peindre, c'est donner à voir l'ailleurs, tout en restant dans l'ici et le maintenant. Depuis les 23 dernières années, la pratique des arts visuels a repris une place prépondérante dans ma carrière. Bien au-delà des concepts de figuration ou d'abstraction, chacune de mes œuvres révèle une réalité enrobée d'un rêve. Né en Abitibi, entre épinettes et bouleaux, la tête dans les nuages, les pieds sur terre, j'ai toujours cru que là où régnait le vert, il m'était plus facile de voir venir l'avenir. Comme l'arbre, enraciné à la fois dans le ciel et dans la terre, mon imagination unit la matière et l'esprit, la réalité et le rêve. Comme l'arbre, elle est une source perpétuelle de régénération et d'évolution. Célébrant l'allégresse de la nature, mes toiles sont des poèmes dont les mots sont devenus des couleurs et des rythmes, des points, des droites et des courbes. Dans une liberté totale du geste ou dans son contrôle, mon processus créatif allie improvisation et structure. Une part de moi-même, très spontanée, fait écho à mon amour de la liberté d'expression. Faisant confiance à mon instinct, je me place alors dans un état risqué de l'instant. Paradoxalement, j'aime aussi construire mes toiles tel un architecte. Alors, je me réfère à un processus rationnel qui fait entrer dans mes œuvres le souci de l'ordonnance des règles de mathématiques de la géométrie de l'espace et celui des nécessaires et pertinentes proportions. En fait, j'essaie de m'étonner moi-même dans la diversité de mes modes d'expression et ma tentative d'intégrer des langages différents qui s'appellent et se répondent. Fasciné par la notion de totalité et désireux de manifester l'arborescence des formes et la floraison de la vie, ma dernière période de peinture comme référent formel le mandala, terme sanscrit signifiant « cercle ». Comme rien n'existe qui n'ait un centre autour duquel il tourne, le cercle et le point sont des symboles de la création en expansion et de l'infini. Explorant les nuances du spectre de la lumière, je peins une infinité de points de différents diamètres, évoquant fleurs et étoiles. Voici comment je décris l'objet de mon imaginaire. Dans le ciel, fleurissent les étoiles dans le noir. Sur la terre, les fleurs en sont les miroirs. Mes toutes dernières toiles sur support en bois sont en trois dimensions. Des billes de verre transparent, de métal ou de bois y sont incorporées, mettant ainsi en relief les formes et les couleurs. J'expérimente ainsi la complémentarité des contrastes créés par le côtoiement des couleurs mates et des couleurs iridescentes. La plupart de mes dernières toiles sont des cosmogonies. J'imagine que je peins des jardins glorieux, fleurissant à l'infini.